J'ai eu tant de coups dans les cépages et des coups dans les cunages. J'ai vu des bouches du Rhône au Côte d'Armor. Coupe des tuiles, des tobillets, toute ma ville. J'ai pu finir complètement ivre mort. J'ai bu dès le matin des différents vins. Des whisky, du rhum, des liqueurs, de l'eau de vie. J'ai bu de l'alcool complètement pur. Mais mon frère, il me susurre. Je stoppe si je veux vivre encore. Est-ce que toi tu connais pas ma femme? Est-ce que toi t'es mon pote, toi? Moi je fais bien. T'es mon copain. T'es mon copain, pourquoi? On lui dit copain. On lui dit copain. On voit un coup, et tu sais que t'es un roche. Hey, que c'est? J'ai bu 15 millilitres de cyanure. Mais mon cœur, lui, me murmure. Ah bah, t'es mort.